histoire. Ces filles un peu tarées, caissières à la table, elles congèlent. Elles congèlent leurs bébés dans des frigos français. Oh, sale histoire. Quand on fait les congelés, ton bébé congelé, comme un bébé congelé, oh bébé. Comme un bébé congelé, comme ton bébé congelé, oh bébé. J'suis comme ton bébé français, ton bébé congelé, oh bébé. Congelé, comme ton bébé congelé. someday God would send his Mashiach, the promised one. That sword that the prophet Yeshaya described. That sword, the shoot that comes out of the root. The new shoot that bears fruit. That gives to our village its name, Nazareth. And we are, as people who are waiting for this coming.